89.1. Alors bonsoir et bienvenue à l'émission Terra Incognita. Vous êtes en compagnie ce soir de Bruno Côté à la mise en onde, Marc Chaunet au choix musical et à l'animation. Et on a plusieurs nouveaux disques de rock progressif à vous faire entendre ce soir. Le nouveau Stephen Wilson, The Raven That Refused to Sing. On a aussi le nouveau Majestic, on a le nouveau Gardenia de l'Argentine. On a aussi, qu'est-ce qu'on a comme nouveauté? Pas mal d'affaires intéressantes. Semantic Saturation, qui est aussi une nouveauté. Et plus Oblivion Sun. On a pas mal d'affaires dans l'émission. Alors, on va débuter avec RPVL. RPWL, c'est un groupe de l'Allemagne. Et ils vont être ici à Québec pour la première fois au Canada, en fait. Et ils vont être ici dans le cadre de la Convention Terra Incognita. C'est le 18 mai et le 19 mai. Et en plus, et Michel vous en a parlé la semaine dernière, je crois, ils vont faire un spectacle différent, complètement différent de celui qu'ils font le samedi. Ça va être le lundi en après-midi et les billets étaient en vente à partir de mercredi cette semaine. Les portes ouvrent à 13h. C'est un spectacle d'après-midi. Il va y avoir deux spectacles, deux groupes. Le premier groupe n'est pas encore annoncé. Et ils vont faire donc un spectacle complètement différent de ce qu'ils font le samedi. Et ça vaut la peine. On va débuter avec une pièce de RPVL tirée de World Through My Eyes qui était parue en 2005. C'est une pièce qu'ils vont certainement interpréter s'ils font, comme ils le disaient, un retour sur leur carrière. Et il y aura aussi des pièces de Pink Floyd jouées dans ce spectacle. Alors ne manquez pas ça, c'est en vente au Centre de la Chapelle. Donc, le 20 mai, on débute avec RPVL et on vous revient. Jasmine, a goddess with a silver skin. I am painting all your flowers. I am the shadow of your dream, who changed your opium to money. Shiva calls your name, why don't you sleep? Over the land, a stone is not a stone until I tell you what it's supposed to be.

en supplémentaire à Québec au Centre d'art La Chapelle le 20 mai prochain en après-midi. Et les billets sont en vente pour 60$, toutes taxes incluses. Et il y aura deux groupes. On y va avec la nouveauté de Stephen Wilson, The Raven That Refused to Sing and Other Stories. Ça vient juste de sortir et il présentera un spectacle à Montréal. Il n'y a pas de visite à Québec prévue. C'est le 25 avril au Club Soda. Et c'est un album qui flirte dans le jazz, dans le rock. C'est vraiment super intéressant. Stephen Wilson est très inspiré. Et c'est un album qui a été inspiré par des histoires de fantômes. Et ça paraît dans plusieurs pièces, dont celle qu'on va écouter tout de suite, The Holy Drinker. Et ce sera suivi de Majestic, c'est l'album VOZ, et c'est leur sixième opus depuis 2007, projet de Jeff Hamill, un guitariste des États-Unis. Et c'est un double CD, une belle œuvre, et on écoutera. Il y a la pièce VOZ qui se divise en 10 parties. On écoutera une partie, la partie 9, Rise to the Surface de cette pièce. Donc, on débute d'abord avec la nouveauté. Stephen Wilson, the Raven That Refused to Sing, The Holy Drinker. We'll be right back. icy pores. This time it's also last. It's going straight into hell. Yeah.

C'était Semantic Saturation, tiré d'album Solipsistic, la pièce Blessing in Disguise. On poursuit maintenant avec en fait, c'est un artiste qui est établi maintenant au Québec, Chant Agopian, c'est son projet, donc lui c'est un super guitariste, comme vous avez pu le constater, entouré de bons musiciens. On poursuit avec un groupe de Montréal, le groupe Carcius. C'est leur nouvel album, The First Day. Et il y a un chanteur maintenant qui s'est greffé au groupe, alors il y a une dynamique nouvelle dans ça. The First Day, donc on écoutera la pièce éponyme de cet album. Et ça sera suivi de Ian Anderson, Jethro Tull, Thick as a Brick 2. Et ça a été annoncé, en fait, ils seront à Montréal le 15 octobre, à la Place des Arts, c'est à la salle Wilfrid Pelletier. Donc le 15 octobre à Montréal, Thick as a Brick sera joué intégralement, donc le premier, celui de 1972, et celui-ci. Donc, c'est, je pense, un concert unique à ne pas manquer. Et on écoutera une pièce de ça, mais d'abord, on y va avec Carcius. Day of the rest. He stands at the crossroads of New Street and Old Town. Gerald something from Good Home on Sea. Thinking back to the child that he once was. All bread and butter and jam for his tea. Men came and went in his moments of madness. Muttered apologies late for a meeting. Too much intensity, too much vain sadness. Crestfallen hand on glass, he's too fleeting. He was your old boy, he's a dreamt and downhearted. With nowhere to go, no appointments to keep. He's our little man, he's a dreamt and dumbfounded. Head on heart pillow, waiting for sleep. Soothing, desperate measures, desperately tearing. At last vestige of dignity is for the losing. He was sure caught by his adrift and dumbfounded. With nowhere to go, no appointments to keep. He's our little man, he's adrift and dumbfounded. Head on heart pillow, waiting for sleep. He's our little man, he's adrift and dumbfounded. Head on heart pillow, waiting for sleep. Jethro Tull's Ian Anderson, Thick as a Brick 2, et c'était la pièce Adrift and Dumbfounded. Donc ils seront en spectacle à Montréal, à la Place des Arts, le 15 octobre prochain, la salle Wilfrid Pelletier, pour interpréter Thick as a Brick 1 et 2. Alors, parlant de spectacle, il y a Neil Morse aussi qui est là à Québec, ici au Cabaret du Capitole, le 17 mai. Et il y a Mike Portnoy qui sera là comme musicien, ça a été confirmé cette semaine. Alors, c'est un spectacle à ne pas manquer. Il y a aussi Carl Palmer qui va nous présenter au Capitole aussi le 27 avril, le ELP Legacy, Emerson, Lake & Palmer, évidemment, sa passion. Il y a aussi Steve Hackett au Grand Théâtre le 4 octobre.

girl still in her wedding gown. Look inside her, and now she's gone, so bring the darkness down. Thank you.

Vous écoutez CKRL HD, une radio haute décibel. Vous les voyez sur les planches des théâtres à Québec ou dans votre bonne vieille télévision. Mais cette fois, les comédiennes Québec envahissent le bal du lézard avec à leur côté des improvisateurs d'expérience en or. La soirée d'improvisation théâtrale, c'est un concept sans compétition dans le but de permettre aux joueurs de créer en toute liberté. Les équipes s'affrontent tout au long de la saison en s'armant à chaque match de joueurs qu'ils pigent dans un bassin de comédiens improvisateurs. C'est jeune, c'est frais, c'est le fun. La cite, les dimanches à 20h au bal du lézard. Restaurant Latena, situé au 2980 1ère Avenue à Limoilou, vous offre un service de livraison jusqu'à 5h30 du matin pour combler votre appétit de fin de soirée. Goûtez à une de nos pizzas parmi un vaste choix, à nos club sandwich comme le club Athéna au poulet et gyros, ou bien notre poulet frit tout à fait craquant. Restaurant Latena, 418-525-5509, livraison gratuite jusqu'à 5h30 du matin, payable avec Interac. Restaurant Latena, pour combler votre appétit de fin de soirée. 2980, 1ère Avenue à Limoilou. 89.1. L'autoroute, animée par Stéphane Villeneuve, les samedis, minuit. La Barberie est heureuse de souligner à sa façon les 40 ans de CKRL. Écoutez, mes bons amis, la chanson que je vais vous chanter, c'est à propos du radio, je vais tout vous raconter. En 1973, dans une université, il y a des petits jeunes qui ont pensé qu'une radio, c'est une bonne idée. À cette heure, en 2013, est arrivé à maturité, c'est une belle grande radio qui fait toujours notre fierté. La Barberie est fière complice de CKRL depuis 15 ans. Alors, de retour avec Bruno et Marc, c'est notre dernière demi-heure qui débute. Et juste avant, en fait, ce qu'on a écouté, c'était le groupe italien Monjoie, tiré de leur premier disque Affetto e Attrazione. Et c'était la pièce Provviste per il Viaggio. Juste avant, The Flower Kings, tiré de Banks of Eden, c'était la pièce Numbers, une très longue et excellente pièce qu'ils ont. Il y a de bonnes chances qu'ils la jouent à Québec, puisqu'elle faisait partie des spectacles qu'ils donnaient récemment. Leur nouveau spectacle, donc, qu'on pourra voir ici, dans le cadre de la convention Terra Incognita. Ce sera le 19 mai prochain. Alors, on va faire un bloc avec deux artistes québécois. Le premier, Alain-Jacques Charon, qui vient de faire paraître Humoring Gods. En fait, non, c'est paru en 2012, l'an dernier. Et c'est un projet qu'il a fait en solo. Orchestre et deux guitares. Donc, c'est assez orchestré. Et avec les guitares, il a fait des sons d'orchestre. Donc, une pièce intitulée Oblivion. Et ensuite, il y aura le groupe Eliphaz, E-L-I-P-H-A-S-Z, Le Royaume des Poussières. Il y a une longue suite intitulée Les Lieux de Mémoire. C'est instrumental. Et ça aussi, c'est paru en 2012. La bonne musique faite au Québec. Donc, Alain-Jacques Charon et Eliphaz. Thank you. C'est le groupe Eliphaz, E-L-I-P-H-A-S-Z. L'album s'intitule Le Royaume des Poussières et c'était la pièce Les Lieux de Mémoire. C'est un projet de François Vachon qui joue la guitare, les pianos et de Jacinthe Poulain. Il y a des pièces chantées sur l'album. Il y a aussi Mathieu Fizet qui est sur ça, les claviers. Louis Doyon et Nicolas Bilodeau à la batterie, Louis Doyon à la basse, et Mathieu Fizet d'ailleurs qui sort un nouveau disque qui va paraître cette semaine intitulé Qui Die, donc le 19 mars vous pourrez entendre le nouvel album de Mathieu Fizet. Alors c'était donc l'émission Terra Incognita, Bruno Côté et Marc Chaunet avec vous depuis 22h et on vous laisse au bon soin de nos amis Jacques et Vincent pour l'émission L'autoroute qui suit dans quelques instants. Alors, à bientôt. Téléchargez Terra Incognita sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes. Cette soirée vous a été présentée par La Barberie. Hi! Le 4 avril se tiendra le tout premier cocktail bénéfice de l'histoire de CKRL à l'hôtel Château-Laurier. Cette soirée donnera le coup d'envoi à la grande fin de semaine du Radioton annuel. La soirée bénéfice est au coût de 125 $. L'orchestre Dom Orchestre vous en mettra plein la vue et vous pourrez participer à notre encan silencieux. Pour vous procurer vos billets, rendez-vous sur notre site. Les événements entourant les festivités du 40e anniversaire de CKRL sont rendus possibles grâce à la participation financière du ministre de la Culture et des Communications du Québec, M. Makakoto,